Exercice 8, page 84. A. C'est notre album. Transformer. Ce sont nos albums. B. C'est notre passeport. Transformer. Ce sont nos passeports. C. C'est notre rapport. Transformer. Ce sont nos rapports. D. C'est votre cadeau. Transformer. Ce sont vos cadeaux. E. C'est votre bateau. Transformer. Ce sont vos bateaux. F. C'est votre gâteau. Transformer. Ce sont vos gâteaux.